L'étoile de nos souvenirs. Là-haut dans le ciel brille une étoile, de toute sa lumière. Une lumière qui a parcouru une distance infinie, en défiant le temps et l'espace. Une lumière qui nous fait espérer. Une lumière qui prouve que tout est possible. L'étoile est morte, mais sa lumière subsiste. L'étoile est immortelle, comme l'étoile qui brille en chacun de nous. Une étoile qui perdure à travers les générations. L'étoile, c'est le souvenir d'un temps passé qui laisse une trace, par le souvenir de sa lumière. En chacun de nous subsiste la lumière des souvenirs qui parcourt le temps et l'espace.